aventuriers sur RTL2. Danser sur ça, l'aventurier. Vous essoufflez, 7h50. C'est l'heure de la banque RTL2. Mais je suis sûr que vous allez chanter à tue-tête, hein. Cette chanson, c'est fait pour ça. Ah, et on se retrouve pas délicat, tous les matins. Hein. Non, moi je danse un peu comme un bourrin. Bonjour Élie Bertrand. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Élie Bertrand, ça va? Eh ben ça va très bien, écoutez, avec une chanson pareille. Hein, bah ouais, vous avez chanté, j'imagine, vous qui l'écoutiez. J'ai chanté. Vivi m'a peut-être entendu, mais. Bah, c'est normal de chanter. Vous êtes à Saint-Dié dans les Vosges. Alors, Élie Bertrand, c'est rare comme association de prénoms, hein, pour un prénom composé. J'ai deux frères et c'est pareil, c'est des noms composés. Rémi Xavier et Brisguel. Donc vous voyez. Ah oui, c'est simple. Alors, on est quoi? On est sur des parents indécis ou sur des parents un petit peu étonnants en choix de prénom? Indécis. Non, indécis, c'est ça. Bon, Élie Bertrand, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui un peu votre journée. Vous êtes content? Je suis content. Le début de la Coupe du Monde. Ouais. Bravo, évidemment. Ah bon, alors, du coup, il est content, on est content, nous aussi, évidemment. Allez, Élie Bertrand! Calmez-vous, c'est un Russie-Arabie Saoudite pour ouvrir quand même. Hein. Ah. Voilà, bon, ça va être sympa à vivre, évidemment. Allez, on vous souhaite le meilleur pour la banque RTL2, jusqu'à 10 000 euros. Il y a également des séjours Béo Resort, des iPads, des téléphones. Top chrono, une minute, gare au coffre vide. Coffre 1. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Je continue. Coffre 2. Une guitare. Une guitare, c'est bien ça. Bah oui, je continue. Ah oui, mais je continue quand même, hein. Oui, coffre 3. Un lecteur Blu-ray. On continue. Coffre 4. Des lacets. On va continuer. 35 secondes. Coffre 5. Un séjour Béo Resort. 1674 euros, 6 nuits. Petit déj, demi-pension. C'est super, mais je continue quand même. Oh là là, coffre suivant. Je continue. Un multicuiseur Thomson. 750 euros. Ah bon? T'as rajouté 50 euros, toi. C'est 700 euros. Ah oui, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il a pris de la valeur. Hein? Je continue. Alors vite, coffre 7. Oh là là là là là là là là. Aïe. Bah si, on a passé 3000 euros de cadeaux, Élie Bertrand, c'est arrivé comme ça. Aïe. Alors. Le fait de m'arrêter sur le multicuisine, aïe. Bon, alors, mais oui, mais on a laissé passer petites vacances, mais si vous pouviez pas, je peux comprendre. Non. Il y avait des lacets. Bon. Oui, tout à fait. On va vous offrir des soirées ciné, le DVD, le labyrinthe, le remède mortel avec 20th Century Fox et Fox Pathé Europa. C'est avec Dylan O'Brien et Kaya Scodelario. Et puis le DVD 50 nuances plus claires chez Universal, de James Foley avec Dakota Johnson et Jamie Dornan. C'est hot. On vous souhaite le bug du double expresso également. Tu vois. Et puis ça ne vous gâchera pas votre journée. La Coupe du Monde démarre, bah c'est oui, parti. On vous souhaite une belle journée, une bonne Coupe du Monde, Élie Bertrand. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso, bien sûr. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. RTL 2, 7h55. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Et là, ce matin, Justine, notre statisticienne en chef, va vous apprendre des choses parce qu'aujourd'hui, dans le studio, ce matin, c'est l'euphorie. Ça fait des mois qu'on attend ça. 14 juin 2018, c'est le début de la Coupe du Monde de foot. Ça tombe bien cette musique parce qu'on vient en 98, Justine. Le 12 juillet, exactement, finale de la Coupe du Monde au Stade de France. La nation est en ébullition après les deux buts inscrits par Zizou. Emmanuel Petit, souvenez-vous, marque le troisième but pour l'équipe de France face au Brésil. Alors, alignement des planètes parfait, puisque le saviez-vous, ce troisième but marqué par Emmanuel Petit sera le 1000e but marqué par l'équipe de France. Ah ouais, c'est-à-dire que le

Jamiroquai et Virtual Insanity dans le double expresso RTL2. D'ailleurs, on va reparler de cette chanson en quelques secondes. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. 8h07, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Et bonjour à toute l'équipe, Jonathan Donnel qu'on trouve à 8h55. Bien le bonjour. Hello, bonjour Jérémy Quetomanette. Bonjour. Bonjour Max, responsable des réseaux sociaux. Bon matin à tous. Bon matin. Ouais. Et Vivi qui est au standard jeu au 3228. Bonjour Vivi. Bonjour Greg. Vivi qui est musicienne, qui a une passion pour la musique, oui, et chanteuse, tout ça. Mais Vivi, elle nous a dit un truc incroyable. Vivi a des révélations. Vivi, c'est Philippe Manœuvre. Vivi, c'est Francis Zégut. Vivi, c'est les Arocs. Vivi, c'est Télérama. Vivi vient de nous dire comme ça. Franchement, si j'avais été Jamiroquai, j'aurais pas fini cette chanson comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. Hein. Ah si. Comment t'aurais fini la chanson? J'aurais pas fait la fin comme ça, c'est tout. J'aurais fait plus de puissance à la fin. Voilà. Il faut que ça se finisse, ça, maman Vivi. Oui, c'était le moment tutorel de cette matinée. C'est une star de la musique, ma Vivi. Bien sûr, quand tu vendras des millions de disques, on sera fiers de t'en mettre un disque d'or, ma Vivi. Vraiment. Merci. En l'occurrence, vous l'appelez au 3228 pour le moment, pour ses débuts de carrière. Bien sûr, après, c'est une star énorme. Demain, à propos de star énorme, Lenny Kravitz, il sera avec nous demain, Lenny. Dès 8h, vous ne loupez pas ça. Hein. Oui. Lenny Kravitz, dès 8h en interview dans le double expresso RTL2. Alors là, Lenny, à côté. Oui. Lenny a une grosse voix. Oh yeah. Elle ne peut pas lutter à côté de Lenny Kravitz. En photo, en voix, en tout. Ah mais vous savez quoi? Personne ne peut lutter à côté de Lenny Kravitz. Personne. Tu te sens comme un enfant tout laid à côté. C'est un truc de fou. Un enfant et tout laid en plus. C'est un truc de dingue. Dire un nouveau-né. Quoi. Ah ouais, je te confirme. Sans tout friper et tout pas beau. Cat Centuries, Keep on Dancing dans le double expresso RTL de 8h09. Bonjour, bon début de journée.

c'est le double expresso RTL2 avec Justine. Dans un instant, dans l'info expresso, on va vous dire à qui vous vous identifiez dans le monde du foot, comment vous vivez la Coupe du Monde, avec qui et où vous la regardez. Car tout oui, ça. On sait, nous, nous savons. Et c'est après Police sur RTL2. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. So close to me sur RTL de 8h21. L'info expresso du double expresso RTL 2. Coupe du monde aujourd'hui, Russie-Arabie Saoudite. On a quelques chiffres pour vibrer avec les Bleus. Quelques infos insolites, vous qui regardez le foot sérieusement ou comme ça de temps en temps. Qui nous ont été donnés par Rue du Commerce, hein, ouais, il faut exactement. Le préciser. Alors, le foot n'est pas regardé que par les hommes. On arrête ces clichés. 33% des femmes vont suivre la Coupe du Monde. Ça me paraît tout à fait normal. Comment vous le regardez et où est-ce que vous le regardez? Je vais vous le dire. Vous regardez un match de foot principalement à la maison pour 87% d'entre vous, 9% ouais. dans un bar de manière collective, et puis 4% au travail. Et avec qui? En famille, pour presque un Français sur deux, 48% en famille. Tu regardes ça en famille, toi? Ouais, ou entre amis, c'est 33%. Ça dépend des matchs et des moments. Et puis, seul, parfois 13%. Moi, j'aime bien regarder un match de foot seul aussi. Bah, la semaine prochaine, tu ne seras pas seul. On va tous chez toi pour regarder le match. Ouais. Mais c'est vrai, en plus. Je suis en PLS. On fera un live Facebook, OK? Ah ouais. Les cotillons. Les Français supportent qui? Bah, l'équipe de France à 94%, mais pas que. Quand même, 17% supportent l'Allemagne, 16% le Brésil et 16% l'Espagne aussi. 94 plus 17 plus... Ah oui, plusieurs équipes oui, en dehors de la France. Oh. Ouais, sinon, ça marchait pas. Ah oui. Qu'est-ce que vous achetez pour la Coupe du Monde? J'achète des chips. Non mais alors, vous voyez tout de suite les ventres que vous êtes. Et ben sachez, vous qui nous écoutez, que vous achetez un barbecue en premier pour la Coupe du Monde. Ensuite, c'est une télé et enfin un canapé. Bah, c'est les trois objets que vous achetez le plus souvent. Et à qui est-ce que vous vous identifiez pendant cette Coupe du Monde? Si je vous donne le choix entre Zidane, Ronaldo, Pelé, Zlatan et Maradona, Qui est pour vous l'idole? Qui vous avez envie d'être? Ah, Zizou. Zidane. Toi aussi, Zizou. Bah ouais, moi je m'identifie à Zidane, numéro 10, meneur d'homme, tu vois. À la calvitie. Tout pareil. Mais franchement, mon Grégouche, défends-toi. Zidane, il est très bel homme. Pas grave. Envoie la musique, toi. Voici Harry Styles sur RTL de Pandémie de Journée. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Sign of the Times dans le double expresso RTL de 8h25. Voici l'horoscope de ce jeudi 14 juin. On attaque avec les médailles de bronze, c'est traditionnel. Et les béliers, Justine. Vous vous énervez facilement, pas besoin de crier pour vous faire entendre. Les lions. Vous êtes souvent en retard, ne jouez pas trop avec les nerfs de votre entourage. Ah, les médailles d'argent, les taureaux. Votre vie est pleine d'action ces derniers temps, mais vous aimez ça. Les cancers. Vous êtes très présent pour vos proches, vous êtes toujours à l'écoute. Nous avons ensuite les vierges. Vous mettez l'ambiance autour de vous, votre bonne humeur fait du bien aux autres. Les balances. Vous vous sentez bien dans votre corps, le sport vous vivifie. Les scorpions. La chance vous sourit les scorpions, tous vos projets sont en passe de se réaliser. Sagittaire. Vous avez la tchatche, votre répartie vous sert à vous tirer de toutes les situations. Capricorne. Vous faites attention à votre apparence et ça vous réussit, vous êtes radieux. Verseau. Vous avez du pain sur la planche, mais il en faut plus pour vous impressionner. Poisson. Vous êtes à l'écoute de votre entourage, cela vous permet d'être très facile à vivre. Et la médaille d'or du jour, c'est pour... Pour les Gémeaux, ton signe, Greg. Votre journée se déroulera sans aucun accroc. Laissez-vous porter et profitez. Profitez de Keane, Everybody's Changing. Et puis on connaît déjà le gagnant du mondial, enfin la gagnante, c'est Miss Mondial. Et dans un instant, nous allons tester Justine pour savoir peur. Si elle peut être Miss Mondial. Oh, un quiz de foot, un quiz de beauté. Ne loupez pas ça, c'est sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer Portugal de Man. Ce titre de U2, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse.

La Coupe du Monde 2018 va commencer tout à l'heure. On a déjà un titre pour la Belgique. Miss Mondiale, Zoé Brunet s'est imposée devant l'Allemande et la Danoise. Justine, tu peux devenir Miss Mondiale. Mais alors, faut qu'elle soit belle et en plus qu'elle connaisse le foot. T'as tout compris. C'est ça. C'est en maillot de bain, c'est joli et ça connaît le football. On y va. Tu es jolie. Tu n'es pas en maillot de bain, mais on va éviter. Du coup, on part pour le quiz. C'est plus radiophonique. Vous pouvez jouer vous aussi chez vous pour voir si vous pouvez être Miss Mondiale. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de foot? Trois propositions, c'est un QCM. Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Est-ce que c'est Thierry Henry ou est-ce que c'est Raphaël Nadal? Thierry Henry. Oui, un point pour Justine. Je suis la première, déjà, mais je suis fan de Thierry Henry. Ah, mais t'es amoureuse, parce que j'ai montré les textos que tu m'as envoyé devant Thierry Henry quand il jouait avec la France mardi. Ah. Il est libre, je sais pas. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde en 2014? Est-ce que c'est le Brésil, l'Allemagne ou la ville de Mulhouse? 2014, c'est l'Allemagne. Oh, ouais, je suis forte, hein. Une question d'être Miss Mondiale. En plus, ils me mettaient la pression, ils ont pas voulu me montrer et tout. Quel est le seul footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises? Voilà. Est-ce que c'est Pelé, Ronaldo ou Bernard Montiel? Pelé. Miss Mondiale pour Justine. Pour toi. Ah, je suis trop contente. Bon, si je pouvais avoir le physique de la Miss Belge, là, je serais contente aussi. Mais tu l'as. Et t'as surtout le cerveau bien rempli. Ça fait plaisir. Charlie Winston, Essol, Dusty Man, pour poursuivre avec du son pop rock. Ce jeudi matin, ouverture de Coupe du Monde, et c'est sur RTL2. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh oh, so. Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Like a no time, like a no time, like a no time.

I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso RTL2. Grégory Achard et Justine Salmon. Everybody stand as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. Si tu prends la vie, tu attrapes tes rêves. Relève la tête car le temps n'attend personne. Comme une victoire. Hey, hey, hey. Everybody stand as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. Marche droit et être fier. Car le temps n'attend personne. Du coup, on fait avec ce qui nous reste. Du culot, de l'enthousiasme et un sourire face au CRS. Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier et les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à tous ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey. Bastard, Stand As One sur RTL de 8h50. C'est l'heure de la banque RTL 2. Mélissa Métis Libissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour. Ben oui, ça va très bien. Ça va très bien, vous êtes animé. Alors j'imagine que là, que la façon dont je viens de vous accueillir en chantant la chanson de Julien Clerc Mélissa, on vous l'a fait tout, oui, 200 sûr, fois par jour, j'imagine, non? C'est ça, à peu près, ouais. Ça dépend des jours, mais à peu près, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une jolie chanson et c'est un joli prénom, Mélissa. Alors, on vous entend comme s'il y avait de l'écho. Pourquoi racontez-nous l'histoire? Alors en fait, c'est parce que je suis au travail, il faut que je dise. Et vous êtes partie. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille dans un drive. D'accord. Et donc du coup, vous êtes partie vous planquer pour jouer pénal. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire félicitations en avance, puisque j'ai appris que vous allez vous marier. Oui, le 21 juillet. Merci. Oh, merci. C'est bon. Ah, nous, on aime le bonheur. On est une équipe où on aime le bonheur. On il y a aime des gens, les gens, ils aiment la tristesse. Nous, on aime le bonheur. Hein. Ça, je dénonce. Moi, je m'en fous, je balance. Hein. Allez, Mélissa, on vous souhaite le meilleur pour cette banque RTL2. Top chrono, une minute. Voici le coffre 1. Une perruque. Une perruque. Non, ça va aller, je passe. Coffre 2. Un séjour Béo Resort. Wow, 1674 euros pour deux personnes. Ah, je passe. Ah bon, coffre 3. Une montre Withings. Une montre connectée. Non, je passe. Coffre 4. Une console Nintendo NES Classic Mini. Je passe. Coffre 5. 30 secondes. Un ensemble Bose. 500 euros, des écouteurs, une enceinte. Je passe. Parfait pour le mariage, ça. Coffre 6, attention, Mélissa. Hein. Un smartphone Huawei P20 Lite. Le tout dernier, il vaut plus de 360 euros. Il reste 14 secondes, Mélissa. On passe ? Allez. Qu'est-ce qu'on fait ? Je passe. Coffre 7. Ah, ouais. Oh non, c'est pas vrai. Je suis inquiet, ça m'angoisse. C'est canouille. Non, mais on peut pas se mettre à votre place quand on joue comme ça. Pour nous, c'est quotidien le jeu, mais vous cherchez du cash, j'imagine, derrière. Oui, c'est ça, pour le mariage. Oui, je comprends, Bon, on va quand même vous offrir un double DVD pour votre nuit de noces. Non, je plaisante, évidemment, vous aurez autre chose à faire. Les DVD Le Labyrinthe, Le Remède Mortel avec 20th Century Fox et Fox Pater Europa. Et puis, bah, pour la nuit de noces. Bah pourquoi pas, le DVD de 50 nuances plus claires également, on vous rajoute. Ça marche, merci beaucoup. On vous souhaite un beau mariage, une belle vie, plein de belles choses. On rajoute un mug du double expresso RTL2 et Mélissa. Merci bien. Mélissa, félicitations. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Symphony The Verve sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Il est là, c'est Jonathan O'Donnell évidemment pour son top 3. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien, on est en pleine forme. Alors je vous emmène aux États-Unis, en Californie plus précisément. Un pitbull a sauvé une famille et son bébé d'un incendie en le tirant par sa couche pour le mettre à l'abri. C'est bien, bravo le chien. Bah bravo. Ah bon, après pour sauver l'image des pitbulls quand même, il l'a mordu. Voilà. Sinon après on va traiter de caniche et tout. Il a mis un petit croc au mollet. J'imagine la réunion des clébards. Ah oui, parce que sinon, tu sais, tu comprends, parce que bon, j'en sauve un, mais qu'est-ce que je fais? Attends, après, il faut bien quand même conclure ça en beauté. Bon, chihuahua, quoi. Petite info culture à Varsovie, le premier musée de la vodka polonaise ouvre ses portes. Donc, Justine, répète après moi: Vitage bilet proche. Hein? Ça veut dire un ticket s'il vous plaît en polonais, parce que ça va te servir à mon avis pour aller au musée. Sinon tu vas arriver, tu vas être paumé. Elle passe en VIP. Hein. Justine Salmon. Vous arrêtez avec cette image là. Ils ont des photos de toi dans leur casier, ils savent qui tu es, t'inquiète. Il y a Boris Helsine et Justine Salmon. Et allez, environnement. En Nouvelle-Zélande, on élève des moutons qui pètent et qui rotent moins. Pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais comment ils font? Bah, il y a Nadine de Rothschild qui arrive et qui s'occupe de l'éducation, tout ça. Qui leur explique comment ça se passe, quoi. Elle est sympa, Nadine. Merci, Jonathan. Avec plaisir. Très bien, très en forme ce matin. Chris, ex-Christine and the Queens, arrive sur RTL2, tout comme Kevin Olivier, ex-Kéké. À tout de suite. RTL2.